Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Régent Ducharme, l'auteur invisible. Moi, je l'imagine peut-être comme quelqu'un de tout à fait simple, et, mais c'est le pouvoir de son œuvre, le verbe, enfin tout ce qui est véhiculé par là, le fait qu'on a... Puis le fait de se cacher, on dirait qu'on le cherche encore plus, en fait c'est très paradoxal, ouais. Mais on n'en parlerait peut-être pas autant. Mm-hmm. Le mythe vient un peu de ça, de tout ce qui est véhiculé par les médias, puis du fait qu'on en parle encore aujourd'hui, mm-hmm. Mais aussi du pouvoir de son œuvre, bien sûr. Alors le génie, ce que ça a de mystérieux, ça fascine. L'écrivain François Hébert, à l'émission Les Belles Heures en janvier 1990, François Hébert a bien raison de rappeler que le mythe autour de Régent Ducharme, dont on n'a jamais connu l'identité, n'a fait au fond que renforcer l'intérêt qu'on a porté à son œuvre, car si ce mythe autour de l'identité de Régent Ducharme a été l'objet de réelles fascinations, de rumeurs de toutes sortes, il est vrai que c'est d'abord le pouvoir de son œuvre qui en a fait l'une des voies littéraires les plus importantes et les plus singulières du Québec. Le parcours littéraire de Régent Ducharme est fulgurant dès la publication chez Gaillard en France de son premier roman, La vallée des avalés, en 1966. Il se retrouve en lice pour le prix Goncourt. C'était la première fois qu'il soumettait de ses écrits à quelqu'un. Puis quand Pierre Thiel lui a refusé, nous autres, on n'en a rien su. Peut-être qu'il y a d'autres de ses amis qui l'ont su, mais nous autres, on n'en a rien su. Puis je pense bien qu'il a été... influencé par un de ses amis, entre autres, pour l'envoyer à Gallimard. Parce que c'est le garçon, quand quelqu'un le refuse une fois, il n'osera pas s'avancer une seconde fois. Il se dit, ben, s'ils m'ont refusé, c'est parce que ça ne valait pas grand-chose. Et il a toujours dit à ma mère, quand le prix Goncourt a été décerné, là, il a dit, maintenant, on va vivre en paix, parce que là, ça va tourner en queue de poisson, on n'entendra plus parler de moi, je vais être heureux. Parce que ça le fatigue énormément de voir tout ce qui se passe autour de lui. Même une fois, il l'a dit, si j'avais su que ça ferait tant de flafla autour de moi, j'aurais jamais publié. Puis je le crois. Je sais qu'il est sincère quand il dit ça. La jeune sœur de Régent Ducharme, Carmen Chevrette, à l'émission Ni ange ni bête en mai 1967. Cet extrait nous en dit déjà pas mal sur la personnalité de Régent Ducharme, cet auteur de grand talent qui, toute sa vie, donc, a voulu conserver son anonymat pour nous présenter l'œuvre de Régent Ducharme, le mythe aussi qui l'entoure. Je reçois la journaliste littéraire Danielle Lorrain. Danielle Lorrain, bonjour. Bonjour, Jacques. Quelle place il occupe, Régent Ducharme, dans la littérature québécoise, Danielle Lorrain? Ben, écoutez, Régent Ducharme, c'est un des monstres sacrés de la littérature québécoise. Aux côtés d'écrivains comme Anne Hébert, Marie-Claire Blais, Michel Tremblay, Gaston Miron. Mais son œuvre, en fait, se démarque par son goût pour l'enfance, ouais. Par sa soif d'absolu, mais aussi par son inventivité du langage, son audace. C'est une œuvre iconoclaste qui est pleine de fantaisie, d'ironie, mais aussi de violence, de révolte. Mais je dirais que ce qui caractérise aussi Régent Ducharme, et donc vous en parliez, c'est le mythe, ouais. C'est-à-dire un écrivain fantôme qui a vécu dans l'anonymat. Ça fait partie de l'équation. Vraiment, il refusait tout contact avec les médias et on peut dire que cette discrétion-là, extrême, a donné lieu, comme vous le disiez au début, à toutes sortes de rumeurs, de légendes et même aujourd'hui, un peu moins de 2 ans après sa mort, il est mort le 21 août 2017 à l'âge de 76 ans, même aujourd'hui encore, Ducharme demeure un écrivain mystérieux. Ouais. On sait peu de choses de lui. Hein. On sait qu'il est né dans une famille modeste, dans la Naudière, qu'il était autodidacte. Mais on retient, bien sûr, de lui, d'abord et avant tout, ses romans. Ouais. 9 romans, dont La vallée des avalés, son roman culte. L'hiver de force aussi, qui traduit très bien les années 70. Il a beaucoup écrit pour le théâtre. Il a été scénariste. On pense, entre autres, à ce très beau film Les bons débarras. Et puis, on le sait, il a écrit plusieurs chansons, ouais. Pour Robert Charlebois, surtout. Touche et puis, à tout. Et puis, c'est Rock Plante, c'est-à-dire le pseudonyme Rock Plante. Derrière cet artiste visuel, il y avait aussi Régent Ducharme. Ouais. Mais en fait, il y a 2 choses. On se demande, je reviens au mythe un instant, ouais. Est-ce que ce serait même pensable encore aujourd'hui? Il commence sa carrière avec La vallée des avalés en 66. Il va réussir ce tour de force. On ne saura pas qui il est, ouais. Durant toute sa vie et même après sa mort. Mais bon, à une époque où tout le monde, on est à une ère d'hypermédiatisation, on se dit, est-ce que ce sera encore possible? Oui, aujourd'hui, avec les médias sociaux. Exact. Après, en même temps, l'avantage, Daniel Lorrain, c'est que ça laisse toute la place à l'œuvre. Exact, tout ouais. à fait. Et à une l'amour œuvre... des mots, parce que oui. les titres de Régent Ducharme, juste déjà... Juste les titres, La vallée des avalés, déjà. Ouais. Hein? L'océan tume, la pièce de théâtre inespérée, inattendue. Ouais. Bon, bref, toujours des jeux de mots. Donc, une langue, oui, très inventive, des néologismes, beaucoup. Vraiment, on peut dire que c'est une sorte d'exubérance verbale ouais. qui caractérise son œuvre. Dès La vallée des avalés, en 1966, quand le livre est paru, on soulignait cet aspect-là, d'ailleurs, dans l'écriture de Ducharme. Ouais. On disait, dans le journal Le Monde, « Nous n'avions rien lu de plus poétique, de plus imprévu, de plus original depuis de longues années. » Alors voilà, ça c'est la langue de Ducharme et son univers. Alors ouais. ben là, son univers, c'est des personnages marginaux, désespérés, qui sont en quête d'absolu ouais. et qui refusent le monde tel qu'il est. Et ce monde, cette poésie, cette musique, elle s'entend dès les premiers mots de son premier roman, La vallée des avalés. Quand j'ai les yeux fermés, c'est par mon ventre que je suis avalée. Dans mon ventre que j'étouffe. Quand j'ai les yeux ouverts, c'est parce que je vois que je suis avalée. C'est dans le ventre de ce que je vois que je suffoque. Je suis avalée par le fleuve trop grand, par le ciel trop haut, par les fleurs trop fragiles, par les papillons trop craintifs, par le visage trop beau de ma mère. Le visage de ma mère est beau pour rien. S'il était laid, il serait laid pour rien. Les visages, beaux ou laids, ne servent à rien. On regarde un visage, un papillon, une fleur, et ça nous travaille. Puis ça nous irrite. Si on se laisse faire, ça nous désespère. Il devrait pas y avoir de visage, de papillon, de fleurs. Que j'ai les yeux ouverts ou fermés, je suis englobée. Il n'y a plus assez d'air tout à coup. Mon cœur se serre. La peur me saisit. La comédienne Pascale Bussière, lisant les premiers mots du roman La vallée des avalés. C'est en 1966, donc, Daniel Lorrain, que Régent Ducharme publie son premier roman. Et ça commence vraiment, c'est un coup de tonnerre dans le ciel. Tout à fait, mais il faut dire que c'est un roman très particulier, extrêmement ludique, vraiment marqué par une intensité de l'imaginaire. La narratrice, Bérénice, donc, qui a 10 ans quand le roman commence, on va la voir vieillir et on peut dire que c'est un roman d'apprentissage dans lequel cette jeune fille-là va découvrir la vie par le biais de ses échecs, de ses désillusions. C'est vraiment une petite rebelle qui en veut au monde entier, mais surtout au monde adulte, à toute forme d'institution sociale. Et ça va revenir dans plusieurs romans de Ducharme. Mais ce roman-là en particulier va devenir vraiment un roman culte. Et cette petite héroïne, Bérénice Enberg, va devenir l'héroïne phare du monde de Ducharme. Donc, oui, immense succès. Écoutez, il a 25 ans à l'époque ouais. où paraît ce roman. On a entendu un peu plus tôt la sœur de Régent Ducharme qui parlait de Pierre Tisserre. Ouais. Parce que ce qu'on... Qui refuse son roman. En fait, il refuse le roman, mais c'est pas La vallée des avalés qui refuse. D'accord. Parce que La vallée des avalés, c'est le troisième roman qu'il a écrit. Le roman qu'il a envoyé à Pierre Tisserre aux éditions Le Cercle de France à Montréal, c'était L'océan tume. Donc, il avait envoyé ça et Pierre Tisserre l'avait retourné son manuscrit en lui disant, c'est illisible, mais en fait, c'était mal tapé à simple interligne, avec plein de ratures, etc. Et donc, finalement, oui, il l'envoie chez Gallimard. Gallimard l'accepte, lui envoie un contrat, et avant même de se mettre à la révision de son manuscrit, il décide d'envoyer deux autres manuscrits chez Gallimard. Alors, il envoie, entre autres, La vallée des avalés, et là, toute l'équipe est vraiment fascinée et tout le monde se dit non, c'est celui-là qu'il faut publier en premier. C'est génial. Et c'est Raymond Queneau qui s'occupe de lui chez Gallimard. Raymond Queneau qui avait beaucoup travaillé avec Boris Vian. Ouais. D'ailleurs, on va comparer Régent Ducharme beaucoup à Boris Vian pour le goût de l'enfance et les jeux de mots. Bref, à partir de là, ça va être vraiment, écoutez, bon, il va être en lice pour le Goncourt, il ne l'aura pas, mais la presse française Thérèse va se déchaîner. On se demande qui est ce jeune Rimbaud. Ouais. On parle d'un nouveau Céline et on se dit, est-ce que cet auteur va se montrer? Les médias en France, mais aussi au Québec, vont s'y mettre. Ouais. Et finalement, la Vallée va avoir le prix du gouverneur général quand même ici ouais. et le prix de la province de Québec. Donc, une critique en partie dithyrambique, mais une critique très, en partie aussi très, très tiède. Là. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui détestent. Ben, Duchamp, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut se laisser porter par son langage, par ses jeux de mots. Et il faut vraiment se laisser porter par ça. C'est souvent rigolo, fantaisiste, mais c'est aussi ouais. la deuxième couche, c'est désespéré du ouais. Duchamp. Il n'a pas le fameux Goncourt. Non. Il s'en réjouit. On entendait sa sœur oui. au début de l'émission parce que il a, dès le départ, cette volonté d'être invisible, de rester dans, de garder son anonymat. Ouais. Pourquoi cette obsession-là, Daniel Laurent? Écoutez, ce qu'on sait, c'est que juste un peu avant l'apparition de La Vallée des Avalées, il avait confié à Gérald Godin, son ami poète qui allait devenir politicien péquiste, il avait confié pour le magazine Maclean dans un entretien « Mon roman, c'est public, mais pas moi. Je ne veux pas que ma face soit connue. Je ne veux pas qu'on fasse le lien entre moi et mon roman. Je ne veux pas être connu. Ouais. » Et d'ailleurs, pendant longtemps, une seule photo de Régent Duchamp va circuler, sa photo passeport, et les éditeurs vont le vieillir un peu à chaque parution de livre. Puis il va y avoir, en 94, quand son roman Va savoir paraît, une nouvelle photo de lui, photo un peu floue, ouais. où on le voit avec son chien, sa chienne. Ça a été pris, cette photo-là, par sa compagne. Claire Richard, mais c'est une photo qui datait déjà de 10 ans. Ouais. Donc, difficulté de ouais. voir qui est-il vraiment, à quoi ressemble-t-il physiquement. Et ça va faire partie, vous l'avez un peu évoqué, mais bien sûr que son œuvre parle pour elle-même et que le fait qu'il soit anonyme nous ramène forcément et fatalement à son œuvre, mais ce mythe-là, et dès le départ, dès le moment où il est en lice pour le Goncourt, vous le disiez, les journalistes français veulent oui. le rencontrer, ça, toutes sortes de rumeurs vont circuler autour de la réelle identité de Régent Duchamp. Il y a des gens qui pensent même qu'il n'existe pas, que c'est ouais. une invention d'éditeur, etc. Mais vous savez à quel point il voulait se sauvé de tout le monde. Il a reçu plusieurs prix dans sa vie, mais il ne s'est jamais montré pour les recevoir. Et d'ailleurs, en 90, il recevait le prix Gilles Corbeil accompagné d'une bourse de 100 000 $, ce qui n'est pas rien. Et c'est Gaston Miron qui était administrateur du prix. Il appelle chez lui, c'est Claire Richard qui prend l'appel, et elle lui dit, semble-t-il, « Ah ben, Régent va être vraiment heureux parce que ça fait tellement longtemps qu'il voulait s'acheter une bicyclette. » Alors, vous voyez un peu la réaction. Finalement, Duchamp, évidemment, a chargé sa compagne d'aller recevoir le prix et le chèque oui. à sa place. Donc oui, des rumeurs, il y en a eu de toutes les sortes. On a dit à un moment donné que c'était Naïm Catan, Hubert Aquin, Gérald Godin. Un moment donné, on a dit, dans les années 90, c'est peut-être Luce Guilbeault. Bon, écoutez, plusieurs personnes ont témoigné que Régent Duchamp existait vraiment. Ouais. Ses éditeurs, des critiques littéraires qui l'ont connu. Jean-Louis Roux, quand Jean-Louis Roux dirigeait le Théâtre du Nouveau Monde et qu'on a présenté, entre autres, la pièce AA ouais. De Duchamp, il dit « Oui, oui, je le connais, j'y ai serré la main, je l'ai ouais. même invité à manger chez moi. » Donc, mais voilà. Une espèce de solidarité aussi, ça reste invraisemblable que pendant tant d'années, parce qu'il existait, il était connu, mais que ouais. le secret soit protégé, qu'on respecte au fond. J'entendais en préparant l'émission, c'est pas un extrait qu'on va entendre, mais Robert Charlebois, pour qui il a écrit des chansons, Régent Duchamp, dire ça faisait tellement partie de lui, c'était dans sa nature de ne pas vouloir, oui. de vouloir être dans l'ombre, qu'on respectait ça. Revenons à l'écrivain, à l'œuvre. Il a écrit des romans, des oui. pièces. Comment mesurer et l'importance de cette œuvre-là? Ben écoutez, après La Vallée des Avalées, il a publié en rafale plusieurs romans, donc Le Néquivoque, qui fait partie des manuscrits qu'il avait envoyés en premier en France, L'Océan Tume, La fille de Christophe Colomb, et tous ces romans-là, ce sont de jeunes héros ou héroïnes qui refusent encore une fois le monde adulte, le monde ouais. tel qu'il est, parce qu'ils le jugent restrictif et hypocrite. Ça, c'est une obsession chez lui. Mais vraiment, il y a eu Le Néquivoque, donc, qui se lit comme le journal d'un adolescent qui a conclu un pacte de suicide parce qu'il veut éviter les compromis du monde adulte. Dans L'Océan Tume, c'est deux jeunes filles qui se détournent du monde adulte et qui décident de partir ensemble en voyage. La fille de Christophe Colomb, ça, c'est très particulier. C'est un roman en vers, très étrange. Mais ce qui est drôle, c'est que ça raconte sous forme de parodie les aventures de Colombe, qui est en fait la fille de Christophe Colomb. Et vraiment, un de ses romans très forts, c'est L'hiver de force, paru en 73. Là, on met en scène des adultes, mais qui sont restés un peu enfants, n'est-ce pas? Et ça se présente vraiment comme un constat nihiliste sur la société de consommation, le rejet des valeurs matérialistes et tout ça. C'est très, très drôle, très ironique, mais en même temps très désespéré. Ouais. On en a fait beaucoup le roman d'une époque, c'est-à-dire les années 70 et d'une génération. Moi, je considère que c'est un de ces très, très bons romans. Il y en a eu plusieurs autres ensuite. Et puis, oups, un trou à un moment donné. Pendant 14 ans, on n'a pas de livre de Ducharme. Mais il va écrire pour le théâtre, il va écrire pour le cinéma. Pas de livre de Ducharme. Et puis là, arrive Dévadé en 90, Va savoir en 94, qui est considéré souvent comme un chef-d'œuvre. Ouais. Et puis son dernier, Gros mot, qui va décevoir beaucoup, beaucoup de critiques. Ça fait 10 ans que je fais ce métier-là. J'ai chanté à Longueuil, à Vaudreuil, Repentigny, La Valtrie. J'ai rempli des salles. La première qui m'avait envoyé, moi, c'était Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est une job. Et puis, j'ai commencé à le chanter. Un peu comme Daniel Thibon, je reviendrai à Montréal. Je crois que j'ai enregistré sa chanson sans le connaître. Évidemment, en co-signant la chanson avec lui. Là. Et c'est par la suite de la publication du disque là, qui m'avait donné rendez-vous dans un petit bar. Là. Ensuite, on s'est liés d'amitié. Puis il y a des années où on s'est beaucoup vus. Je dirais pas tous les jours, mais souvent, souvent, souvent. Là, même au point de jouer au tennis ensemble. Je veux de l'amour! Je veux de l'amour! Au moment que je le dis, à la place que je suis, je veux de l'amour! Robert Charlebois, à l'émission Bonsoir l'ambiance en 1996. Régent Ducharme va donc aussi être parolier. Daniel Lorrain va écrire quelques-uns des grands succès de Robert Charlebois, dont la chanson « Je veux de l'amour » qu'on vient d'entendre. Que dire du Ducharme parolier? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est « Je veux de l'amour », tous les personnages de Ducharme pourraient dire ça. Ouais. Hein, c'est des personnages qui sont en manque, qui veulent l'attention de l'autre et qui finalement s'en détournent parce qu'ils sont déçus. C'est souvent ça. Je dirais que dans ses chansons, il est aussi inventif, imagé que dans ses romans ou son théâtre. Il a écrit beaucoup, beaucoup pour Charlebois, donc on vient d'entendre, mais il y a d'autres chansons très connues comme Ça arrive à Manufacture, qui a été un immense succès, ou Chutané, par exemple. Cette collaboration-là entre Ducharme et Charlebois, donc elle a commencé à la fin des années 60 et ça a commencé, c'est Ducharme qui lui a envoyé sur des bouts de papier ou des serviettes de table des refrains, des paroles de chansons. Et là, à partir de ça, ils ont commencé à se voir. Ça a duré quand même une douzaine d'années jusqu'à ce que Régent Ducharme dise « Bon, là, c'est assez, je pense qu'on a fait le tour. Robert, t'es assez grand, t'es capable d'écrire tes chansons, tout ça. » Oui, puis il a compris le message, puis on connaît le bout de chemin qu'il a fait par la suite. Toi. C'est raide. T'as peur, hein? T'as la chienne, hein? Mongol! Hey, si tu vas manger une autre, j'ai ça dans la main. Tu vas encore passer la nuit, puis je vais encore rester prêt avec l'autre Mongol. J'ai fini. Régent Ducharme va aussi écrire des scénarios, les scénarios de 2 films, Les bons débarras, dont on vient d'entendre un extrait de la bande-annonce, puis Les beaux souvenirs que va réaliser aussi Francis Mankiewicz. Qu'est-ce que ça représente pour lui, dans son œuvre, en tout cas, Daniel Lorrain, cette aventure au cinéma? En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les 2 scénarios de films sont tout à fait dans le ton de ses romans. C'est encore le même genre de personnage, une petite fille dans Les bons débarras, 2 sœurs dans l'autre film. Ce qui a remarqué, c'est que le premier, Bon débarras, a eu un énorme succès. Le deuxième, qui est paru un an plus tard, en 81, je pense, ou 82, a déçu beaucoup la critique. Oui. Ça allait beaucoup moins loin. On disait que c'était un peu inabouti comme film. Mais les Bon débarras, écoutez, ça a été, c'est resté un des classiques de notre cinéma, je peux dire, vraiment, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un film qui a reçu 8 prix Génie. À l'époque, meilleur scénario original, meilleur film canadien, meilleure actrice remis à Marie Tifot pour le rôle de la mère monoparentale. Et évidemment, Charlotte Laurier qui joue là son premier film. Elle a 11-12 ans. Elle joue la petite Manon qui veut absolument accaparer sa mère, qui veut l'amour de sa mère à tout prix et qui ne tolère personne autour. Le jeu des acteurs, des actrices est vraiment extraordinaire. Vraiment, ça reste un très, très grand film. Oui. Bouclons la boucle, revenons un petit peu sur l'ensemble de l'œuvre, Daniel Laurent. Oui. Qu'est-ce qu'il nous laisse? Qu'est-ce qu'il laisse à la littérature québécoise avec Jean Duchard? Ben, je dirais, il laisse surtout à la littérature québécoise. On a évoqué l'idée que, sous le pseudonyme de Roqueplante, il a fait des œuvres qu'on appelait les trop-fous, qui étaient faites, ces œuvres, à partir de choses qu'il ramassait, des rebuts dans la rue. Au début, on ne savait pas que c'était Roqueplante, donc c'est passé dans l'anonymat. Et dès le moment, je pense qu'en 85, lors d'une expo, on a su que derrière Roqueplante se cachait Régent Duchamp. Mm-hmm. Là, ça s'est mis à se vendre comme des petits pains chauds. Mais là où c'est proche de son œuvre, c'est que tous les titres de ses trop-fous sont absolument fous, comme les titres de ses livres. Alors, ce qu'il nous laisse, c'est cette folie, cet imaginaire complètement débridé. C'est une œuvre forte qui a eu aussi une influence, qui a encore une influence aujourd'hui. Je pense à des écrivains ici, par exemple, je pense à Monique Proulx qui a écrit un roman dans lequel elle en a fait un personnage. Elle l'appelle Pierre la Liberté dans Le cœur est un muscle involontaire. Il y a Catherine Mavrikakis qui en a fait aussi un personnage. Il y a plusieurs jeunes écrivains encore aujourd'hui qui se réclament de Duchamp à cause de cette inventivité du langage, de cet imaginaire complètement débridé et de son humour. Oui. Ben, il faudra y revenir. Hein. C'est ce que je conclue de cette émission. Vous nous donnez envie, en tout cas, d'y retourner dans l'œuvre de Régent Duchamp. Daniel Laurent, journaliste littéraire, nouvel ami de l'émission. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Merci, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp, à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Éric Saint-Pierre, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Ronald Georges, à la technique aujourd'hui Pierre Dulon. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Ça arrive en manufacture, les deux yeux fermés bien durs. Palette de chocolat, des Lifesavers, des Midwest, à boire du coke, 7-Up, chocolat au lait, planté.